Section 8. Les vertus cardinales. Quelles sont les vertus cardinales? Les vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Pourquoi la prudence, la justice, la force et la tempérance sont-elles appelées vertus cardinales? La prudence, la justice, la force et la tempérance sont appelées vertus cardinales parce qu'elles sont le pivot, latin cardo, et le fondement des vertus morales. Qu'est-ce que la prudence? La prudence est la vertu qui dirige toute action vers son but légitime et cherche par suite les moyens convenables pour que l'action soit bien faite de toute façon et par là agréable au Seigneur. Qu'est-ce que la justice? La justice est la vertu par laquelle nous rendons à chacun ce qui lui est dû. Qu'est-ce que la force? La force est la vertu qui nous rend courageuses au point de ne craindre aucun danger, pas même la mort, pour le service de Dieu. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance est la vertu par laquelle nous réfrénons les désirs désordonnés des jouissances sensibles et nous usons avec modération des biens temporels. Chapitre 2. Les dons du Saint-Esprit. Combien y a-t-il de dons du Saint-Esprit et quels sont-ils? Il y a 7 dons du Saint-Esprit. Premièrement, le don de sagesse. Deuxièmement, d'intelligence. Troisièmement, de conseil. Quatrièmement, de force. Cinquièmement, de science. Sixièmement, de piété. Septièmement, de crainte de Dieu. À quoi servent les dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit servent à nous confirmer dans la foi, l'espérance et la charité, et à nous rendre promptes aux actes de vertu nécessaires pour acquérir la vie chrétienne. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est un don par lequel, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c'est-à-dire la vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain bien. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence est un don par lequel nous est facilité, autant que c'est possible pour un homme mortel, l'intelligence de la foi et des divins mystères que nous ne pouvons connaître par les lumières naturelles de notre esprit. Qu'est-ce que le conseil? Le conseil est un don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Qu'est-ce que la force? La force est un don qui nous inspire de l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Église, en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis. Qu'est-ce que la science? La science est un don par lequel nous apprécions sainement les choses créées et nous connaissons la manière d'en bien user et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu. Qu'est-ce que la piété? La piété est un don par lequel nous vénérons et nous aimons Dieu et les saints, et nous avons des sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est un don qui nous fait respecter Dieu et craindre d'offenser sa divine majesté, et qui nous détourne du mal en nous portant au bien. Chapitre 3. Les béatitudes évangéliques. Combien y a-t-il de béatitudes évangéliques et quelles sont-elles? Il y a 8 béatitudes évangéliques. Premièrement, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Deuxièmement, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Troisièmement, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Quatrièmement, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cinquièmement, bienheureux les miséricordieux, car ils trouveront miséricorde. Sixièmement, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Septièmement, bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Huitièmement, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour l'amour de la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Pourquoi Jésus-Christ nous a-t-il proposé les béatitudes? Jésus-Christ nous a proposé les béatitudes pour nous faire détester les maximes du monde et pour nous inviter à aimer et pratiquer les maximes de son évangile. Quels sont ceux que le monde appelle bienheureux? Le monde appelle bienheureux ceux qui ont en abondance les richesses et les honneurs, ceux qui vivent dans les délices et qui n'ont aucune occasion de souffrir. Qu'est-ce que les pauvres en esprit que Jésus-Christ appelle bienheureux? Les pauvres en esprit, selon l'évangile, sont ceux qui ont le cœur détaché des richesses, en faisant un bon usage, s'ils les possèdent, ne les recherchant pas avec sollicitude s'ils en sont privés, en souffrant la perte avec résignation si elles leur sont enlevées. Qu'est-ce que les doux? Les doux sont ceux qui traitent le prochain avec douceur, souffrent avec patience ses défauts et les torts qu'ils en éprouvent, sans querelle, ressentiment ou vengeance. Qui sont ceux qui pleurent et cependant sont appelés bienheureux ? Ceux qui pleurent et cependant sont appelés bienheureux sont ceux qui souffrent avec résignation les tribulations, qui s'affligent à cause des péchés commis, des maux et des scandales qu'on voit dans le monde, de l'éloignement du paradis et du danger de le perdre. Qui sont ceux qui ont faim et soif de la justice ? Ceux qui ont faim et soif de la justice sont ceux qui désirent ardemment de croître toujours davantage dans la grâce divine et l'exercice des œuvres bonnes et vertueuses. Qui sont les miséricordieux ? Les miséricordieux sont ceux qui aiment leur prochain en Dieu et pour Dieu, ont compassion de ses misères spirituelles et corporelles, et tâchent de le soulager selon leur force et leur état. Qui sont les cœurs purs ? Les cœurs purs sont ceux qui n'ont aucune affection au péché et s'en tiennent éloignés, et qui fuient surtout toutes sortes d'impuretés. Qui sont les pacifiques ? Les pacifiques sont ceux qui conservent la paix avec le prochain et avec eux-mêmes, et qui tâchent de mettre la paix entre ceux qui sont divisés. Qui sont ceux qui souffrent persécution pour l'amour de la justice ? Ceux qui souffrent persécution par amour de la justice sont ceux qui supportent avec patience les moqueries, les blâmes et les persécutions à cause de la foi et de la loi de Jésus-Christ. Que signifient les diverses récompenses promises par Jésus-Christ dans les Béatitudes ? Les diverses récompenses promises par Jésus-Christ dans les Béatitudes signifient toutes, sous divers noms, la gloire éternelle. Les Béatitudes nous procurent-elles seulement la gloire éternelle du paradis ? Les béatitudes ne nous procurent pas seulement la gloire éternelle du paradis, elles sont encore les moyens de rendre notre vie aussi heureuse qu'il est possible ici-bas. Ceux qui suivent les béatitudes n'en reçoivent-ils pas déjà quelques récompenses en cette vie ? Si, certainement, ceux qui suivent les béatitudes en reçoivent déjà quelques récompenses même en cette vie, parce qu'ils jouissent déjà d'une paix et d'un contentement intime qui sont le principe, bien qu'encore imparfait, de la félicité éternelle. Ceux qui suivent les maximes du monde peuvent-ils se dire heureux ? Non, ceux qui suivent les maximes du monde ne sont pas heureux, parce qu'ils n'ont pas la vraie paix de l'âme et qu'ils courent le danger d'être damnés. Chapitre 4. Les œuvres de miséricorde. Quelles sont les bonnes œuvres dont il nous sera demandé un compte particulier au jour du jugement ? Les bonnes œuvres dont il nous sera demandé un compte particulier au jour du jugement sont les œuvres de miséricorde. Qu'entend-on par œuvre de miséricorde ? L'œuvre de miséricorde est celle par laquelle on secourt les besoins spirituels ou corporels du prochain. Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelle ? Les œuvres de miséricorde corporelle sont : donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelle ? Les œuvres de miséricorde spirituelle sont conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Chapitre 5. Les péchés et leurs espèces principales. Combien y a-t-il de sortes de péchés ? Il y a deux sortes de péchés, le péché originel et le péché actuel. Qu'est-ce que le péché originel ? Le péché originel est celui avec lequel nous naissons tous et que nous avons contracté par la désobéissance de notre premier père Adam. Quel tort nous a causé le péché d'Adam ? Les torts causés par le péché d'Adam sont la privation de la grâce, la perte du paradis, l'ignorance, l'inclination au mal, la mort et toutes les autres misères. Comment est effacé le péché originel ? Le péché originel est effacé par le saint baptême. Qu'est-ce que le péché actuel ? Le péché actuel est celui que l'homme, arrivé à l'usage de la raison, commet par sa libre volonté. Combien y a-t-il de sortes de péchés actuels ? Il y a deux sortes de péchés actuels, le péché mortel et le péché véniel. Qu'est-ce que le péché mortel ? Le péché mortel est une désobéissance à la loi divine par laquelle on manque gravement à ses devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Pourquoi l'appelle-t-on mortel ? On l'appelle mortel parce qu'il donne la mort à l'âme en lui faisant perdre la grâce sanctifiante qui est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. Quel tort fait à l'âme le péché mortel ? Le péché mortel prive l'âme de la grâce et de l'amitié de Dieu, lui fait perdre le paradis, la prive des mérites acquis et la rend incapable d'en acquérir de nouveau, la rend esclave du démon, lui fait mériter l'enfer et aussi les châtiments de cette vie. Outre la gravité de la matière, que faut-il pour constituer un péché mortel ? Outre la gravité de la matière, pour constituer un péché mortel, il faut la connaissance de commettre le péché. Qu'est-ce que le péché véniel ? Le péché véniel est une désobéissance légère à la loi divine par laquelle on ne manque que légèrement à quelques devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Pourquoi l'appelle-t-on véniel ? Parce qu'il est léger comparé au péché mortel, qu'il ne nous fait pas perdre la grâce divine et parce que Dieu le pardonne facilement. Il n'y a donc pas à faire grand cas du péché véniel ? Ce serait une très grande erreur, soit parce que le péché véniel contient toujours une certaine offense de Dieu, soit parce qu'il cause des torts assez graves à l'âme. Quel tort nous cause le péché véniel ? Le péché véniel affaiblit et refroidit en nous la charité, nous dispose au péché mortel, nous rend dignes de grandes peines temporelles en ce monde ou en l'autre. Chapitre 6. Les vices et les autres péchés très graves. Qu'est-ce que le vice ? Le vice est une mauvaise disposition de l'âme qui la porte à fuir le bien et à faire le mal, et qui est causée par la fréquente répétition d'actes mauvais. Quelle différence y a-t-il entre un péché et un vice ? Entre un péché et un vice, il y a cette différence que le péché est un acte qui passe, tandis que le vice est la mauvaise habitude qu'on a contractée de tomber en quelque péché. Quels sont les vices qu'on appelle capitaux ? Il y a sept vices qu'on appelle capitaux. L'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie, la paresse. Comment triomphe-t-on des vices capitaux ? On triomphe des vices capitaux par l'exercice des vertus opposées. Ainsi, on triomphe de l'orgueil par l'humilité, de l'avarice par la libéralité, de la luxure par la chasteté, de la colère par la patience, de la gourmandise par l'abstinence, de l'envie par l'amour fraternel, de la paresse par la diligence et l'ardeur dans le service de Dieu. Pourquoi ces vices sont-ils appelés capitaux ? Ces vices sont appelés capitaux parce qu'ils sont la source et la cause de beaucoup d'autres vices et péchés. Combien y a-t-il de péchés contre le Saint-Esprit ? Il y a six péchés contre le Saint-Esprit. Désespérer de son salut, espérer par présomption se sauver sans mérite, combattre la vérité connue, envier les grâces d'autrui, s'obstiner dans ses péchés, mourir dans l'impénitence finale. Pourquoi dit-on que ces péchés sont en particulier contre le Saint-Esprit ? On dit que ces péchés sont en particulier contre le Saint-Esprit parce qu'ils sont commis par pure malice, ce qui est contraire à la bonté attribuée au Saint-Esprit. Quels sont les péchés dont on dit qu'ils crient vengeance devant la face de Dieu ? Il y a quatre péchés dont on dit qu'ils crient vengeance devant la face de Dieu. L'homicide volontaire, le péché impur contre l'ordre de la nature, l'oppression des pauvres, le refus du salaire aux ouvriers. Pourquoi dit-on que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu ? On dit que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu parce que l'Esprit Saint le dit, et parce que leur iniquité est si grave et si manifeste qu'elle provoque Dieu à les punir des plus sévères châtiments. Chapitre 7. Les fins dernières et les autres moyens principaux pour éviter le péché. Qu'entendez-vous par fin dernière ? Les saints livres appellent fin dernière les dernières choses qui arriveront à l'homme. Combien y a-t-il de fins dernières pour l'homme ? Il y a pour l'homme quatre fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Pourquoi dites-vous que ce sont là les dernières choses qui arriveront à l'homme ? Je dis que ce sont là les dernières choses qui arriveront à l'homme parce que la mort est la dernière chose qui lui arrivera en ce monde. Le jugement de Dieu, le dernier des jugements que nous devons subir. L'enfer, le mal extrême pour les méchants. Le paradis, le souverain bien pour les bons. Quand devons-nous penser aux fins dernières ? Il est bon de penser aux fins dernières chaque jour, et particulièrement en faisant sa prière le matin au réveil, le soir avant le repos, et toutes les fois que nous sommes tentés de faire le mal, parce que cette pensée est très efficace pour nous faire éviter le péché. Chapitre 8. Les exercices pieux conseillés aux chrétiens pour chaque jour. Que doit faire un bon chrétien le matin à son réveil ? Un bon chrétien, le matin en s'éveillant, doit faire le signe de la croix et offrir son cœur à Dieu, en disant ces paroles ou autres semblables. « Mon Dieu, je vous donne mon cœur et mon âme. » À quoi devrait-on penser en se levant et en s'habillant ? En se levant et en s'habillant, on devrait penser que Dieu est présent, que ce jour peut être le dernier de notre vie, et l'on doit se lever et s'habiller avec toute la modestie possible. Une fois habillé, que doit faire un bon chrétien ? Une fois habillé, un bon chrétien doit se mettre en la présence de Dieu, s'agenouiller s'il le peut, devant quelque image pieuse en disant avec dévotion « Je vous adore, ô mon Dieu, et je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie de m'avoir créé, fait chrétien et conservé pendant cette nuit. Je vous offre toutes mes actions et je vous prie de me préserver pendant ce jour du péché et de me délivrer de tout mal. Ainsi soit-il. » Il récite ensuite le Paternoster, l'Ave Maria, le Credo et les actes de foi, d'espérance et de charité, les accompagnant d'un vif élan du cœur. Quelle pratique de piété devrait accomplir chaque jour le chrétien ? Le chrétien, s'il le peut, devrait chaque jour assister avec dévotion à la Sainte Messe, faire une visite, si courte soit-elle, au Très-Saint Sacrement, réciter le chapelet. Que faut-il faire avant de travailler ? Avant de travailler, on doit offrir son travail à Dieu en disant de tout son cœur « Seigneur, je vous offre ce travail, donnez-moi votre bénédiction. » Pour quelle fin doit-on travailler ? On doit travailler pour la gloire de Dieu et pour faire sa volonté. Que convient-il de faire avant son repas ? Avant son repas, il convient de faire debout le signe de la croix et de dire avec dévotion « Seigneur Dieu, donnez votre bénédiction à nous et à la nourriture que nous allons prendre pour nous soutenir dans votre service. » Après le repas, que convient-il de faire ? Après le repas, il convient de faire le signe de la croix et de dire « Seigneur, je vous remercie de la nourriture que vous m'avez donnée. Rendez-moi digne de participer au banquet céleste. » Quand on se trouve en quelque tentation, que faudrait-il faire ? Si on se trouvait en quelque tentation, il faudrait invoquer avec foi le saint nom de Jésus et de Marie. Ou dire avec ferveur quelque oraison jaculatoire, comme par exemple « Faites-moi la grâce, Seigneur, de ne jamais vous offenser. » Ou bien faire le signe de la croix, en évitant cependant que par ces signes extérieurs, les autres s'aperçoivent de nos tentations. Quand on est certain ou qu'on craint d'avoir commis quelque péché, que doit-on faire ? Quand on est certain ou qu'on craint d'avoir péché, on doit faire aussitôt un acte de contrition et tâcher de se confesser au plus tôt. Quand, hors de l'église, on entend la sonnerie de l'élévation de l'hostie à la messe solennelle ou à la bénédiction du Très-Saint Sacrement, que doit-on faire ? On doit faire au moins de cœur un acte d'adoration en disant « Louez et remerciez soit à tout instant le très saint et divin sacrement. » Que doit-on faire quand sonne l'Angélus, à l'aube, à midi et le soir ? Au son de la cloche, un bon chrétien récite l'Angélus Domini avec trois fois Ave Maria. Le soir, avant d'aller se coucher, que convient-il de faire ? Avant d'aller se coucher le soir, il convient de se mettre, comme le matin, en la présence de Dieu, de réciter dévotement les mêmes prières, de faire un court examen de conscience et de demander pardon à Dieu des péchés commis dans la journée. Que ferez-vous avant de vous endormir ? Avant de m'endormir, je ferai le signe de la croix. Je penserai que je puis mourir cette nuit et je donnerai mon cœur à Dieu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, je vous donne mon cœur. Très sainte Trinité, faites-moi la grâce de bien vivre et de bien mourir. Jésus, Marie, Joseph, je vous recommande mon âme. » En dehors des prières du matin et du soir, de quelle autre manière peut-on recourir à Dieu au cours de la journée ? Au cours de la journée, on peut prier Dieu fréquemment par d'autres courtes prières qu'on appelle oraisons jaculatoires. Dites quelques oraisons jaculatoires. Seigneur, secourez-moi. Seigneur, que votre volonté soit faite. Mon Jésus, je veux être tout à vous. Mon Jésus, miséricorde. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime toujours de plus en plus. Est-il utile de dire pendant la journée beaucoup d'oraisons jaculatoires ? Il est très utile de dire pendant la journée beaucoup d'oraisons jaculatoires, et on peut en dire même simplement de cœur, sans proférer de paroles, en marchant, en travaillant, etc. En dehors des oraisons jaculatoires, à quoi devrait encore s'exercer souvent le chrétien ? En dehors des oraisons jaculatoires, le chrétien devrait s'exercer à la mortification chrétienne. Qu'est-ce que se mortifier ? Se mortifier, c'est sacrifier pour l'amour de Dieu ce qui plaît et accepter ce qui déplaît au sens ou à l'amour propre. Quand le très saint sacrement est porté à un malade, que faut-il faire ? Quand le très saint sacrement est porté à un malade, il faut tâcher, si on le peut, de l'accompagner avec modestie et recueillement. Et, si on ne le peut pas, faire un acte d'adoration en quelque lieu qu'on se trouve et dire « Consolez, Seigneur, ce malade, et donnez-lui la grâce de se conformer à votre très sainte volonté et de faire son salut. » En entendant sonner l'agonie d'un moribond, que ferez-vous ? En entendant sonner l'agonie d'un moribond, je me rendrai si je le puis à l'église afin de prier pour lui. Et si je ne le puis pas, je recommanderai son âme au Seigneur, en pensant qu'avant longtemps je me trouverai moi-même dans cet état. Que ferez-vous quand vous entendrez sonner la mort de quelqu'un ? Quand j'entendrai sonner la mort de quelqu'un, je tâcherai de dire un De Profundis ou un Requiem pour l'âme de ce défunt, et je me renouvellerai dans la pensée de la mort.